Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi, dans le contexte de la globalisation, faut-il s'interroger sur la diversité de sens de la notion de gouvernement ? Pourquoi l'état social est-il une catégorie à re-questionner ? Quel est ce besoin vital de se mettre en scène pour tout gouvernement, qu'il soit un état ou une entreprise ? Que veut dire le mot « représenter » en droit du travail ? Pourquoi la quête de la machine à gouverner ? Pourquoi cette machine à gouverner n'est-elle plus régie par des lois ? Comment la loi peut-elle perdre sa souveraineté pour se faire l'instrument de la réalisation d'un programme dans l'imaginaire cybernétique ? Nous poursuivons aujourd'hui en compagnie du juriste Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, fondateur en 2008 de l'Institut d'études avancées de Nantes, sa série de cours intitulée « Du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres ». Dans la présentation de ce cours pour le Collège de France, Alain Supiot souligne, et je le cite, derrière le glissement sémantique du gouvernement à la gouvernance, c'est une nouvelle façon de diriger les hommes que donne à voir l'analyse juridique. La raison du pouvoir n'est plus recherchée dans une instance souveraine transcendant la société, mais dans des normes témoignant de son bon fonctionnement. Cette semaine, le juriste explore donc le gouvernement par les lois sur la longue durée, de l'Antiquité aux Lumières et aujourd'hui. Il interroge le rapport aux lois d'autres cultures. Il indique ainsi, reprenant les travaux de l'ethnobotaniste André Audricourt, et je le cite, « À la métaphore du berger ou du timonier, de celui qui conduit les hommes avec un bâton en exerçant sur eux une action directe, s'oppose dans les pays à dominante horticole celle du jardinier qui agit indirectement en créant les conditions les plus favorables à l'éclosion du génie propre de chaque espèce de plante. » Alain Supiot suit également l'évolution de la machine à gouverner imaginée par Hobbes, calquée sur le modèle de l'automate et régie par des lois inflexibles du même type que l'astrophysique vers son modèle cybernétique. Dans une interview donnée au magazine Usine Nouvelle en 2015, Alain Supiot résumait, et je le cite, « Comme souvent, le changement d'imaginaire a commencé dans l'ordre juridique avant de s'exprimer au plan scientifique et technique. » La perte de la foi dans l'existence d'un souverain législateur date du XIXe siècle et de la première crise de légitimité de l'État. C'est cette crise qui a donné naissance à l'État social, mais aussi aux expériences totalitaires du XXe siècle qui ont cherché dans la science les vraies lois devant régir l'humanité. Au plan scientifique et technique, ce sont dès les années 30 de grandes découvertes mathématiques, puis l'invention de la machine de Turing et les débuts de l'informatique qui marquent ce passage à l'imaginaire cybernétique. Trois concepts jouent un rôle essentiel dans cette nouvelle vision de l'homme et du monde, le programme, le feedback, aujourd'hui nous dirions la réactivité, et la performance. L'homme-machine des XVIIe, XVIIIe siècles disparaît, ou plus exactement, il se métamorphose en machine intelligente, machine programmable par des objectifs chiffrés. Le fantasme aujourd'hui poursuivi, conclut Alain Supiot, est celui d'une mise en pilotage automatique des affaires humaines. Alors comment l'Europe pense-t-elle le gouvernement des hommes ? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Alain Supiot le 7 février 2013. Partir de la notion de gouvernement nous permet de situer l'État, en général, l'État social en particulier, dans une perspective plus large, autrement dit de ne pas prendre l'État social comme une donnée, mais plutôt comme une catégorie à réinterroger. Et la notion de gouvernement a pour nous en particulier l'avantage d'embrasser des formes à la fois publiques et privées. On parle de gouvernement des États, mais aussi il y a les gouvernements, en particulier des entreprises, ou le gouvernement exercé par les organisations internationales, dont vous savez le rôle particulièrement important qu'elles jouent en droit social. Donc ça explique le choix pour ce cours de l'utilisation de cette notion. Mais dans le contexte de la globalisation où nous nous situons, nous devons commencer par examiner la diversité de sens que cette notion de gouvernement est susceptible de recouvrir. Nous sommes en effet habitués à penser que gouverner et exercer le pouvoir sont une seule et même chose. Or, rabattre ainsi le gouvernement sur le pouvoir, serait-ce le biopouvoir, comme on le voit chez Michel Foucault, est quelque chose qui ne va pas de soi. Ou plus exactement, ce raplatissement est assez symptomatique d'une culture et d'une époque, la culture occidentale et l'époque contemporaine. Culture et époque dont il serait puéril de prétendre sortir, puisque c'est la nôtre, mais qu'il faut s'efforcer de situer par rapport à d'autres façons de concevoir l'organisation juridique des sociétés humaines. C'est donc à cet exercice que nous allons commencer par nous livrer aujourd'hui, de cette mise en perspective à la fois historique et comparative de la notion de gouvernement. Alors, gouvernement est un mot qui nous vient du grec kybernan, via le latin guberno. C'est un emprunt technique au vocabulaire nautique. Gouverner, c'est à la fois tenir le gouvernail et commander l'équipage. On a donc ici une représentation qui va dans le sens d'une action exercée directement, d'une contrainte exercée directement sur les gouvernés. Va dans le même sens une autre image qui a parcouru toute l'histoire de l'Occident, qui est celle du pasteur et du pastorat. Là encore, le pasteur, celui qui gouverne, qui conduit ses brebis, le fait en usant de bâtons, de beaucoup d'amour bien sûr, mais des bâtons, des chiens, des barbelés. Et penser ainsi l'organisation des communautés humaines sur le modèle du commandement et d'une action directe et positive exercée à la fois sur les hommes ou les choses est un trait assez typique de nos cultures. Celui qui a mis ça en avant dans la période récente, sous une forme extrêmement stimulante, rapide mais très stimulante, c'est l'ethnobotaniste André Audricourt, qui était un spécialiste de l'Asie centrale, des cultures asiatiques et du rapport entre civilisation et technique, et outils techniques. Et Audricourt, dans un petit texte, oppose ainsi les cultures du berger et du jardinier. À la métaphore du berger ou du timonier, de celui donc qui conduit les hommes avec un bâton en exerçant sur eux une action directe, s'oppose dans les pays à dominante horticole l'image du jardinier qui, lui, agit indirectement en créant les conditions les plus favorables à l'éclosion du génie propre de chaque espèce de plante. Audricourt rapporte cette anecdote très connue, chinoise, d'un jeune un peu idiot, mais plein de bonne volonté, que son père a envoyé dans la rizière pour cultiver le riz. Et le soir, il lui demande « As-tu bien travaillé ?» Et il dit « Oui, oui, j'ai tiré sur chaque plant de riz pour qu'il pousse plus vite. » Donc, cette action directe exercée sur les plantes est le résultat le plus sûr pour n'arriver à rien. Donc, dans un jardin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut mettre de l'eau, pas trop, mais assez. un ensoleillement adapté, mais ce n'est pas une action directe, une action indirecte. Alors, on peut rattacher à cette manière de concevoir le gouvernement la tradition confucéenne. Je m'aborde ça avec, très rapidement, et pas prudent, parce que nous avons dans cette maison, comme vous le savez, une des meilleures spécialistes du confucianisme. Mais dans cette tradition, le gouvernement se présente en tout cas comme garant d'une harmonie qui doit permettre à chacun d'exercer son génie propre. Mérite donc d'exercer le gouvernement celui, non pas qui est armé le plus fort, mais celui dont la vertu irradie. Dans les entretiens de Confucius, là je vous donne la traduction de Rick Mans, qui est toujours très stimulante. Il est droit, tout marche droit, tout marche sans qu'il doive rien commander. Il n'est pas droit, il a beau commander, nul ne le suit. Donc c'est un résumé d'un art du gouvernement qui ne marche pas à la baguette, si je puis dire, mais à l'exemplarité. Alors, on a beaucoup critiqué ensuite, historiquement, bien entendu, l'hypocrisie qu'il pouvait y avoir dans cette représentation de l'exercice de l'art de gouverner, mais cela marque une autre façon, disons au moins, d'aborder la question. Dans la perspective de la mondialisation, il est donc important d'examiner comment ces diverses manières de concevoir l'art de gouverner ont pu ou peuvent se combiner, ou bien au contraire s'exclure. Comprenez bien, là encore, que quand je parle de gouvernement, je pense aussi bien ici gouvernement politique des États que gouvernement des entreprises. Et que cela peut nous donner des clés aussi de compréhension de ce qui se joue sur les marchés internationaux, dans la compétition et dans la manière de traiter les êtres humains dans le gouvernement, dans l'entreprise. Alors, pour apercevoir cette rencontre de ces deux cultures, j'ai choisi le cas du Japon. Le Japon est particulièrement riche d'enseignements puisqu'il s'agit du premier pays qui est parvenu à assimiler la culture juridique occidentale sans renoncer à ses propres traditions. Alors, je ne vous fais pas un cours sur l'histoire institutionnelle du Japon, mais je rappelle très brièvement qu'il y a une première période où on a tenté d'importer le modèle impérial chinois, mais ça n'a pas marché. Ce qui s'est imposé, c'est ce qu'on a appelé le shogunat, c'est-à-dire un pouvoir militaire, et l'empereur est resté dans son palais à Kyoto, à faire des poèmes. Je vais y revenir assez longuement sur cet aspect poétique du pouvoir dans cette tradition, jusqu'à l'ère Meiji, où, face à la pression d'Occident et face à une donnée juridique qui était la conclusion de traités dits inégaux, puisque les Occidentaux disaient aux Japonais « puisque vous n'avez pas de culture juridique, on ne peut pas traiter avec vous, vous ne savez pas ce que c'est un contrat », donc les Japonais se sont dit « eh bien, nous allons nous équiper de la technique juridique et à l'image des Occidentaux ». Et ils ont procédé à une assimilation donc, de la culture juridique occidentale qui a donné lieu à un énorme travail linguistique gigantesque. On a refondé la langue, et notamment du point de vue juridique. Les Français ont contribué à ce travail. Si vous allez dans les couloirs de la faculté de droit à côté, il y a un buste à la gloire de Boissonnade qui a beaucoup donné dans la rédaction des premiers codes japonais. Et ce travail d'appropriation des concepts juridiques occidentaux s'est fait avec le souci de réactiver aussi le vieux fond de la tradition impériale, puisque la restauration Meiji se présentait comme une restauration d'une tradition impériale, mais en même temps, il fallait que ce soit un acte de modernisation. Alors, ça a été le cas pour la notion de gouvernement, et je vais pouvoir vous dire comment ça s'est passé en me référant aux recherches d'un juriste japonais, M. Kado Kazumasa, qui a étudié de près ce processus d'incorporation dans un article d'ailleurs qui a été publié dans la revue Droit en 2011. Alors, sous le shogunat, le gouvernement des guerriers, qu'on appelle les bushi, c'est plutôt en Occident qu'on les appelle des samouraïs, était désigné de façon métonymique comme « baku-fu ». Le mot « baku », à l'origine, désignait un voile, un rideau, qui entourait un lieu, le mot « fu », où se trouvait le shogun. Le shogun, c'est-à-dire le général en chef, dans le camp des armées en campagne. Et donc, le bakufu signifie à l'origine le siège du commandement militaire. Mais au XIIe siècle, il a fini par désigner le pouvoir que le shogun exerce sur ses vassaux, c'est-à-dire le gouvernement shogunal. Alors, en revanche, d'autres mots étaient employés pour désigner le gouvernement du tenno, de l'empereur, le roi du ciel, le Très-Haut, dont la fonction était d'un autre ordre. Ces mots furent eux aussi métonymiques et non pas métaphoriques. On a parlé du gosho ou shotai qui désignait le siège impérial, le palais du tenno. Désigner ainsi, de façon métaphorique, le gouvernement par le lieu où il s'exerce n'est pas complètement inconnu dans notre propre tradition. On pourrait rapprocher de ces expressions japonaises celles de Saint-Siège ou de siège apostolique qui désignent le gouvernement des papes. Selon le canon 361 aujourd'hui en vigueur du Code de droit canonique, je cite, « Sous le nom de siège apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code non seulement le pontife romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte ne laisse comprendre autrement, la secrétaire d'État, le Conseil pour les affaires publiques de l'Église et les autres instituts de la curie romaine. Vous noterez ici tout particulièrement le fait que le siège par excellence du gouvernement de l'Église est la personne même du pontife. Alors, ce rapprochement avec le Saint-Siège aide à comprendre le travail linguistique accompli au XIXe siècle par les juristes japonais lors de la restauration du pouvoir impérial. Jusqu'aux années 1870, il n'y a pas eu en japonais de traduction consacrée du mot « gouvernement ». Comme le pape, le tenno est infaillible, sa toute-puissance est censée ne pas reposer sur l'usage légitime de la violence, pour employer les catégories de Max Weber, mais sur l'influence mentale qu'il exerce sur ses sujets. Et comme lui, il ne gouverne pas par les armes, mais par les âmes, si je puis dire. Tandis que le shogun assurait la réalité du pouvoir, l'empereur, comme je vous l'ai dit, organisait des concours de poèmes dans son palais. C'est cette figure que les auteurs de la révolution Meiji ont cherché à réactiver politiquement tout en conférant à l'empereur la réalité du pouvoir. Vous conviendrez qu'il s'agit d'un exercice assez difficile dont ils se sont acquittés en recourant à des notions qui demeuraient totalement hermétiques pour les juristes occidentaux. Selon l'article 1er de la Constitution Meiji, l'Empire du Japon est placé sous le pouvoir de Toshi, d'une lignée d'empereurs ininterrompue depuis l'éternité. Alors la notion de Toshi n'est pas transparente. Le sinogramme, alors c'est un sinogramme chinois, donc ça va être sinogramme chinois, c'est un peu redondant, qui désigne ici l'office de l'empereur. Et on ne dispose pour interpréter cette notion que des commentaires qui ont été faits par les juristes qui ont rédigé cette constitution. Et notamment le principal rédacteur, Inoue Kawashi, a présenté ce sinogramme comme un synonyme du mot japonais shirazu, dont la signification originelle était selon lui la faculté de refléter la vérité comme un miroir. L'idée, c'est que la position céleste du tenno, il est très haut, on a vu, il est au sommet du ciel, lui permet de tout voir, de tout savoir et de faire savoir, et donc d'ordonner le monde. Cette image du miroir, nous allons la retrouver aussi ultérieurement dans la tradition institutionnelle occidentale, mais sous un autre jour, nous le verrons, notamment lorsque nous parlerons de la comptabilité. Autrement dit, cette notion désigne une toute-puissance qui pourrait être exercée sans violence. Et c'est seulement dans les années 1880 que les traductions du mot « gouvernement » se sont fixées avec les deux notions aujourd'hui utilisées, que sont les notions de « seiji » et de « seifu ». J'en dis un mot rapidement avant que nous quittions le Japon. « Seiji » a servi pour désigner l'action de gouverner. Ce mot désigne la politique en Chine et au Japon. Mais au Japon d'avant Meiji, Il signifiait aussi la direction des rites. Le sinogramme Sei était alors prononcé en japonais Matsuri Goto pour désigner les rites, et J exprime l'action de diriger. Quelle était l'idée? L'idée était expressément, là je me réfère aux travaux préparatoires de la Constitution telle que les a étudiés M. Cadou, on a critiqué la notion de gouvernement occidental en ce qu'elle conduit à assimiler les êtres humains, les marins, avec le bateau dans l'image du gouverneur. Et on a dit, en revanche, la direction des rites fait appel à ce qu'il y a d'essentiel dans l'être humain, puisque en se conformant aux rites, c'est spontanément que vous trouvez votre place dans un ensemble ordonné. Et c'est pour tenir compte de cette critique du concept occidental de gouvernement que l'on a eu recours au concept de Toshi que nous avons évoqué tout à l'heure. Quant au mot Seifu, il est employé, lui, pour traduire non pas l'action de gouverner, mais l'organisation du gouvernement. C'est un mot qui est, lui aussi, d'origine chinoise et qui n'était pas très employé avant la modernisation. Mais, comme indiqué dans le cas du Bakufu, on a souvent usé du mot fu pour désigner à la fois la résidence et la fonction du dirigeant dans ses emplois métonymiques que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle on a adopté ce mot comme traduction du gouvernement. Alors, que retenir de cette excursion rapide au pays du soleil levant? Que dans une perspective comparative, le gouvernement ne doit pas être réduit à l'exercice d'un pouvoir, à une contrainte exercée sur autrui. Cette réduction est typique de la modernité occidentale. Et on peut faire l'hypothèse que cette réduction procède de ce que le grand historien du droit Ernst Kantorowicz, dans son étude de la genèse médiévale des institutions modernes, a appelé la désintégration de l'idéal de la royauté liturgique, c'est-à-dire la dissociation des figures du pouvoir politique et de l'autorité religieuse, dissociation qui a fini par faire oublier que leur articulation était une condition d'un gouvernement durable, l'articulation des notions de pouvoir et d'autorité et le raplatissement que j'évoquais tout à l'heure de toute question gouvernementale ou institutionnelle sur une simple logique de pouvoir. Alors, ce n'était pas le cas dans la tradition, par exemple, latine, et Cicéron notait dans son dialogue sur la République que s'il n'y a pas d'équilibre dans la cité et des droits et des fonctions et des charges, de telle façon que les magistrats aient assez de pouvoir, le conseil des grands assez d'autorité, le peuple assez de liberté, le régime ne peut avoir de stabilité. Donc les trois piliers du bon gouvernement, selon Cicéron, c'est pouvoir, autorité, liberté. Alors, cette tradition était encore extrêmement vivante dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge. Et Quentin Skinner a montré dans un ouvrage récent que c'est cette tradition qui a imprégné la pensée politique des préhumanistes médiévaux, telle qu'elle se donne à voir dans les célèbres fresques allégoriques du Buon Governo et de la tyrannie, qui ont été peintes par Ambrogio Lorenzetti vers 1338 sur les murs de la salle du conseil du palais public de Sienne. Alors, je vous propose de commencer par jeter un œil sur ces fresques qui se présentent comme deux scènes opposées d'un même théâtre politique. D'un côté, on a l'allégorie du mauvais gouvernement. Cette allégorie est dominée par un acteur unique, le tyran, dont vous voyez qu'il est entouré de l'avarice, de la superbe, de la vanité, de la cruauté, de la trahison et de la fraude, accompagné de la fureur, tandis qu'à ses pieds gît la justice enchaînée. Donc, le mauvais gouvernement, nous avons une figure. En revanche, le bon gouvernement se présente comme un équilibre entre, d'un côté, la figure masculine du pouvoir politique, qui représente le gouvernement de Sienne, et d'autre part, la figure féminine de la justice. C'est donc sous cette double égide du pouvoir politique et de l'autorité judiciaire que les honnêtes citoyens pourront contribuer à la prospérité de la cité. Ces fresques ne sont pas seulement intéressantes en ce qu'elles montrent, la persistance de cette manière cicéronienne de concevoir le gouvernement, mais aussi par ce qu'elles sont un exemple particulièrement frappant du besoin vital pour tout gouvernement de se mettre en scène, qu'il s'agisse du gouvernement d'un État, d'un parti ou d'une entreprise. Pour le comprendre, il faut réfléchir à ce que veut dire le mot « représenter » en droit public ou en droit du travail. Vous savez que le concept de représentation collective, est commun au droit public, au droit du travail, un peu d'ailleurs au droit de la sécurité sociale, alors qu'il a un sens différent en droit civil, où la représentation, c'est une opération individuelle, c'est une opération de mandat. Dans cette représentation collective, il ne faut jamais oublier sa dimension théâtrale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dire qu'un gouvernement est représentatif ou qu'un syndicat est représentatif, c'est dire que les gouvernés ou les syndiqués ou les salariés peuvent s'y reconnaître. Et il en va donc de même de la scène des relations collectives que le droit du travail a échafaudé entre le droit civil et le droit public. Elle ne peut fonctionner que sous condition de représentativité, c'est-à-dire que le public s'y reconnaisse. Si les gouvernés ne se reconnaissent plus sur cette scène du gouvernement, le théâtre tourne au guignol, ont beaucoup de succès, c'est-à-dire un spectacle auquel on ne peut plus ni se fier, ni s'identifier. On ne peut qu'en rire pour prendre son mal en patience. D'où l'humour ravageur des blagues qui, dans les régimes autoritaires, permettaient aux gouvernés de dire et partager leur défiance à l'égard des gouvernants et de souder ainsi entre eux des formes souterraines de solidarité. Les peuples dont on a dénié à certaines époques le droit de se constituer librement en communauté politique ont pu trouver dans leurs poètes ou leurs musiciens, je pense à Chopin dans le cas des Polonais, à Mahmoud Darwish dans le cas des Palestiniens, des figures d'identification collective éventuellement plus puissantes que celles de leurs leaders politiques. L'un des traits les plus remarquables de la représentation collective, entendu dans ce sens à la fois juridique et théâtral, est qu'elle institue, qu'elle fait naître à la vie juridique, la collectivité des gouvernés. C'est la raison pour laquelle le théâtre n'est pas, dans la Grèce antique, un divertissement réservé aux riches. Vous savez à quel point le théâtre était important dans la cité grecque. Vous savez aussi que son développement va de pair avec celui d'une organisation de la cité régie par les lois. C'est un point sur lequel nous reviendrons. Mais ce ne sont pas deux phénomènes indépendants l'un de l'autre. Assister au théâtre était une cérémonie civique qui participait de l'établissement de la démocratie et du règne de la loi. Donc, à l'appui des lois qui régissent la cité, le théâtre, mais aussi la musique ou la poésie, font vibrer à l'unisson le public. Ils soudent, ils solidarisent ce public en lui faisant partager un même imaginaire. Et il en va de même des diverses formes juridiques de représentation collective. Chaque institution représentative des salariés institue une communauté particulière de salariés, que ce soit celle du personnel de l'entreprise ou de l'établissement, ou celle des cadres, ou celle des métallurgistes. Alors que dans un mandat en droit civil, c'est le représenté qui préexiste au représentant et qui l'institue, c'est l'inverse qui se passe en matière de représentation collective. L'institution représentative donne un corps, une identité collective à ce qui ne pouvait auparavant n'être qu'un agrégat d'individus. Et ce qui soude les collectivités ainsi formées, ce sont des liens de droit, c'est-à-dire les textes qui tout à la fois les régissent et les définissent, mais ces liens juridiques ne prennent corps que par le recours à ces autres formes d'imaginaire social que je rassemble ici sous le nom d'esthétique. Alors, ce point est important à comprendre si on veut saisir la position spécifique du droit dans l'institution des solidarités humaines. En général, nous n'avons pas de mal à percevoir les liens qui unissent le droit avec la technoscience. Le droit social donne ainsi force juridique à des solidarités objectives créées par la technique. Par exemple, je prends un exemple dans le Code du travail, l'exposition à un ensemble de salariés à des rayonnements ionisants. Objectivement, toutes les personnes exposées, alors ça va au-delà des salariés, puisque vous voyez que ça couvre les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, les employeurs exposés aux rayonnements ionisants, sont institués en collectif pour des raisons qui sont des raisons objectives, techno-scientifiques. Nous sommes aussi habitués à ce que de telles collectivités soient instituées non plus sur la base d'un savoir proprement techno-scientifique, mais sur la base de ce que nous disent les sciences sociales, de ce que sont les groupes sociaux dans la société. C'est un des domaines, et j'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir dans la seconde partie du cours, où on fera beaucoup de droits positifs, c'est le droit de l'emploi, qui en est un exemple, qui s'est développé depuis 30 ans, sur la base de constitutions de catégories révélées par la statistique, la sociologie. Par exemple, ici, dans l'article L5134-54 du Code du travail, nous avons la catégorie des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui résident en zone urbaine sensible. Bon. On voit bien qu'ici, nous avons la reprise dans un dispositif juridique d'une collectivité assez improbable qui n'est rien d'autre qu'une collectivité découpée par une observation sociologique de populations dites à risque particulièrement élevé de chômage. Le droit participe ainsi à l'établissement, mais il participe ainsi à l'établissement de solidarité objective, mais dans le même temps, il participe à l'établissement de solidarité subjective, du même type que celle qui unissent les auditeurs d'un concert de musique baroque ou de rap, qui vont vibrer à l'unisson. L'admission d'un jeune diplômé dans un grand corps de l'État n'est pas seulement un acte administratif qui répond à une rationalité organisationnelle, c'est aussi un acte symbolique qui va insuffler chez l'impétrant un esprit de corps, c'est-à-dire une solidarité de type confrérique dont on sait la puissance dans le fonctionnement concret de l'État dans notre pays, puisqu'on sait que même les rangs de classement des ingénieurs des mines continuent à les poursuivre, j'allais dire, au-delà de la tombe, mais enfin, en tout cas pendant toute leur carrière active. Donc ça modifie, ce n'est pas simplement un acte de gestion rationnelle au sens weberien de l'administration, mais c'est quelque chose qui habite. Il faut comprendre que les institutions nous habitent comme la musique peut nous habiter et nous transformer. Et même certaines des catégories qui sont censées avoir une base objective, comme celle évoquée tout à l'heure de jeunes qui résident dans une zone urbaine sensible, n'est pas seulement l'instrument neutre de mise en œuvre d'un savoir supposé sur les causes du chômage. Elle est aussi une marque d'appartenance à un groupe social. Cette marque est aussi une forme de stigmatisation, de renvoi à une sous-culture, dans le cas de ces jeunes, dans des zones urbaines sensibles. C'est seulement de façon subconsciente qu'aujourd'hui l'administration rationnelle utilise ces effets symboliques des qualifications juridiques. Par exemple, dans le monde universitaire, lorsque l'administration invente des sigles tels que ATER ou DUST pour désigner des positions professionnelles ou des diplômes situés au bas des hiérarchies universitaires. ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche. DUST, c'est diplôme universitaire de sciences et de techniques. Dans les deux cas, on a affaire, je le répète, soit à des positions, soit à des diplômes, dont d'entrée de jeu, la position basse est soulignée. Mais dans ce qui est sans doute une sorte de subconscient administratif et une forme de marque subjective sur la personne ainsi qualifiée objectivement, juridiquement, d'ater ou de titulaire d'un DOS, titulaire d'un diplôme en forme de poussière. Dans une approche purement instrumentale des catégories juridiques, on se cache cette dimension subjective, ce qui rend par exemple incompréhensible aujourd'hui que tant de bénéficiaires du revenu potentiel du RSA, du revenu de solidarité active, s'abstiennent d'en demander le bénéfice. Alors, je ne veux pas être trop long sur cet aspect des rapports du droit et de l'esthétique, mais je le souligne quand même parce que lorsque ce point est perçu dans les facultés de droit, c'est sous un seul angle qui n'est pas négligeable, c'est celui de la dimension esthétique des énoncés. Alors, cette dimension doit aussi être soulignée. L'autorité et la pérennité d'une règle dépendent beaucoup de la qualité de sa frappe littéraire. On l'a souvent noté à propos du Code civil, livré en exemple pour ses qualités de rédaction littéraire. Mais la remarque vaut pour n'importe quel visa d'un arrêt de la Cour de cassation, qui va passer plus ou moins à la postérité selon la manière dont elle est rédigée, et ça vaut aussi pour n'importe quel ouvrage doctrinal. La force d'un ouvrage doctrinal dépend beaucoup de la qualité de son style. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre ce lointain héritage de la scolastique qu'est le plan en deux parties et deux sous-parties par partie qui s'impose aujourd'hui encore les milieux des professeurs de droit et de leurs étudiants. Pourquoi ? Parce que ce plan dit d'avance, avant même d'avoir lu le contenu, l'équilibre et donc la justesse de l'argumentation. Alors, aujourd'hui, plus ou moins enfouie cette conscience de la force normative de l'esthétique éclatait en revanche dans la formule célèbre qui ouvre le premium des instituts de Justinien et que nous allons lire ensemble. La majesté, c'est un texte superbe, je ne m'en lasse pas, excusez-moi, mais la majesté impériale doit non seulement être ornée d'armes, mais elle doit également être armée de lois pour être à même de gouverner justement, en tout temps, en paix comme en guerre. Alors, c'est Kantorowicz qui a mis en lumière la fortune singulière de cette formule, en latin « armis decorata legibus armata », fortune qu'a connue cette formule au XVIe siècle. Et souvent, les lettres en sont venues à remplacer les lois dans certains de ces emplois, pour signifier que le bon gouvernement doit s'appuyer autant sur les arts que sur la force. Et alors, nous ne sommes pas loin, dans ce cas, de l'office poétique assigné au Tenno dans le Japon d'avant Meiji. Bon, j'espère ne pas vous avoir trop perdu en route, parce que le rapprochement du droit et de la poésie semble incongru pour un esprit moderne. Il s'éclaire si on veut bien se souvenir qu'en grec ancien, le mot « poiesis » désigne l'action créatrice, celle qui fait surgir du neuf, et que c'est seulement dans un sens second qu'il en est venu à désigner l'œuvre ou l'art poétique. Par le recours à l'esthétique, la poésie concilie les contraires et elle exerce une action à la fois créatrice et ordonnatrice. Il peut y avoir en poésie d'obscures clartés, comme dans un exposé de droit. Elle participe ainsi de l'établissement ou du rétablissement de l'harmonie entre les hommes, cette harmonie qui, dans la mythologie grecque, était la déesse de la concorde, mais aussi la fille du dieu de la guerre et de la déesse de l'amour, c'est-à-dire la rencontre aussi des contraires. Alors, nous retrouverons cette histoire d'harmonie et de la fascination qu'elle continue d'exercer dans les montages juridiques à propos de la gouvernance par les nombres. Parce que l'harmonie par le calcul est un des clés d'intelligibilité du succès actuel de la gouvernance par les nombres. Alors, on ne peut qu'être frappé de la disparition progressive de cette référence à la poésie et à l'esthétique dans les théories modernes du gouvernement. Dans les grands auteurs modernes et postmodernes, vous pouvez dire, vous aurez le mot « pouvoir » à peu près 5 fois par page. Vous pourrez chercher vainement toute référence à ces idées d'esthétique. Et pourtant, il y a au moins un grand juriste du XVIIIe siècle qui, à rebours du rationalisme de son temps, a perçu clairement ce lien entre droit et poésie et s'est employé à démontrer leur commune origine. Ce juriste est Giambattista Vico, dans un traité qui s'appelait « De Constantia Jurisprudentis », publié en 1721, et qui a été traduit en français, c'est très difficile à trouver, mais vous pouvez peut-être le trouver si vous cherchez bien, sous le titre « Origine de la poésie et du droit ». C'était publié en 1983. C'est pas pour moi, bon, ça va. Alors, que nous dit Vico ? Les érudits pensèrent, là il parle des érudits de son temps, faussement, que la langue des poètes leur était toujours personnelle et ne fut jamais une langue commune. La vérité est que la religion et les lois conservent les langues. Ils disent tous que les premiers poètes fondèrent les cultes des faux dieux et grâce à ces cultes les cités. Ils accordent que les premiers poètes furent aussi les premiers écrivains. Mais ils n'ont pas reconnu le fait qu'avance Vico, pourtant voisin, que la langue poétique fut la première langue des peuples qui fonda leur première loi et leur première religion. Alors, dans la période récente, toutefois, plusieurs auteurs ont remis à jour la part de l'esthétique dans la pratique du gouvernement. Je vous ai préparé une petite bibliographie pour ceux qui voudraient creuser ce sujet. Je pense notamment aux travaux déjà évoqués d'Ernst Kantorowicz sur les célébrations liturgiques du souverain dans l'ère médiévale. Bon, sur la célébration du corps du prince, ça va jusqu'au jogging. Hein. C'est quelque chose dont on ne peut pas se défaire. C'est inhérent à l'action de gouverner, la façon dont le corps se montre, le corps du gouvernant. Concernant le monde contemporain, les travaux, je recommande particulièrement les travaux de Joseph Tonda sur les mises en scène du corps dans les pratiques politiques postcoloniales d'Afrique centrale. Ce que montre notamment Tonda, c'est le rôle absolument capital de la danse. On ne comprend rien à la pérennité du pouvoir de Bongo au Gabon si on ne se souvient pas que la première chose qu'il faisait en arrivant pendant les campagnes et dans les campagnes, c'était de danser. Et que dans la danse se créait cet effet d'unisson que j'évoquais tout à l'heure, donc qui soude la communauté politique. Ceci se voit aussi dans les travaux de Pierre Legendre concernant le gouvernement des États contemporains et des entreprises multinationales. Dans le dernier film de Legendre, Dominium Mundi, il y a d'ailleurs un clin d'œil à cette affaire de danse, puisqu'on peut voir le dirigeant d'une des principales, Bill Gates, multinationale, qui danse. Qui danse quoi ? Les résultats en dollars, parce qu'il y a une fois par an une grande cérémonie organisée par Microsoft pour célébrer les résultats de l'entreprise, qui est accompagnée de musique. Et vous pouvez voir dans ce film Bill Gates qui danse et célèbre ainsi le succès du gouvernement de son entreprise. Alors, si cette dimension esthétique et poétique du gouvernement est perdue de vue par ceux qui n'y voient qu'un instrument de domination des uns par les autres, c'est qu'une telle référence n'a pas de place concevable dans l'imaginaire rationaliste et mécaniciste qui a dominé la philosophie politique des temps modernes à nos jours. Conduisant à transposer à l'étude des institutions le modèle des sciences de la nature, cet imaginaire a été assez puissant pour rendre les meilleurs esprits aveugles à la place centrale de l'esthétique dans la mise en scène de n'importe quel gouvernement. Comme on ne peut se cacher l'évidence de ces mises en scène, on veut n'y voir que des techniques de manipulation et de communication. Et quand on ne veut y voir que ça, on finit par les dégrader en pure technique de communication, mais qui ne marche pas, et qui finissent dans les guignols. Donc ça ne fonctionne pas. C'est qu'on n'a pas compris les ressorts profonds de ce qui est en jeu dans l'acte de gouverner, dans cette dimension esthétique. Alors, c'est ce modèle et le souci d'objectivité qu'il justifie qui nous porte à regarder les hommes comme regardent les choses. Je cite ici Bourdieu, disant qu'il regardait les hommes comme des particules qui sont sous l'empire de forces d'attraction, de répulsion, etc., comme dans un champ magnétique, écrit-il. Donc, on a ici un exemple des effets de cette posture, de ce que Augustin Berg appelle un arrêt sur objet, qui regarde le gouvernement comme un objet purement extérieur à celui qui l'observe et qui fait perdre la capacité de percevoir les différentes dimensions que je viens d'évoquer. Dans cette perspective, le gouvernement se présente simplement, vous voyez l'idée de force d'attraction, de répulsion, comme dans un champ magnétique, on est vraiment là dans un imaginaire qui est celui de la physique classique, où le gouvernement se présente comme une immense machine régie par un jeu de force, de rouage, de poids et de contrepoids. Alors, cette manière de penser le gouvernement, c'est massivement la nôtre. Et c'est sans doute chez Hobbes, au milieu du XVIIe siècle, que cette conception a été exprimée avec le plus de clarté. Je vous propose de relire les toutes premières lignes du Léviathan, on va faire cette relecture ensemble, celle qui précède et justifie le plan de l'ensemble de ce classique de la pensée juridique européenne. On trouve dans l'introduction de ce livre, à l'état chimiquement pur, cette façon de penser le gouvernement sur le modèle de la machine. Le point de départ de Hobbes, le maître mot du livre, c'est la nature. Il n'est pas le premier ni le dernier à vouloir ancrer le droit dans la nature, mais il la voit comme l'expression d'un art divin de gouvernement du monde, un art que l'homme fait à l'image de Dieu, se peut et doit imiter en créant à son tour des êtres artificiels comme le Léviathan que nous avons devant nous. Le premier mot du traité, c'est la nature. La nature, l'art par lequel Dieu a fait le monde et le gouverne, est si bien imité par l'homme, en ceci comme en de nombreuses autres choses, que cet art peut fabriquer un animal artificiel. Donc, de même que Dieu a créé l'homme, l'homme peut créer un être artificiel. Parmi les objets fabriqués par l'homme, Hobbes accorde ainsi une place spéciale aux animaux artificiels, c'est-à-dire aux automates qui imitent le vivant et sont capables de se mouvoir eux-mêmes. Il poursuit, car étant donné que la vie n'est rien d'autre qu'un mouvement de membres, dont le commencement est en quelque partie principale intérieure, pourquoi ne pourrions-nous pas dire que tous les automates, les engins qui se meuvent eux-mêmes par des ressorts et des roues comme une montre, ont une vie artificielle. Et l'automate par excellence, celui qui va occuper l'imaginaire occidental de la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'ère industrielle, c'est la montre. Comme une montre, écrit-il, qui reproduit à l'échelle humaine la création du dieu horloger. Je vous montre ici l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg. Il n'y a guère, je pense, que dans les pays occidentaux qu'on a installé des grandes horloges et des montres dans des lieux de culte comme objet offert à l'admiration croyants. On sait, notamment par les travaux de Jacques Le Goff, que l'installation des horloges sur les beffrois et les clochers des églises a été le point de départ médiéval d'une nouvelle organisation du temps de travail. Cadencés par leurs mouvements mécaniques, et s'écartant progressivement des rythmes de la nature. Alors, parvenu à ce point de sa démonstration, Hobbes opère un retournement. Puisque l'homme, imitant l'œuvre divine, crée des automates, c'est qu'il est lui-même un automate créé par le grand horloger. Alors, ce retournement est du même type que celui de nos contemporains qui, se fondant sur le fait que l'ordinateur aurait été conçu sur le modèle de certaines facultés cérébrales, en viennent à concevoir le cerveau humain sur le modèle d'un ordinateur. Je poursuis la lecture de Hobbes. Qu'est-ce que le cœur, sinon un ressort, les nerfs, sinon de nombreux fils, et les jointures, sinon autant de nombreuses roues qui donnent du mouvement au corps entier, comme cela a été voulu par l'artisan. Donc à la base de ce fameux traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la République ecclésiastique et civile, c'est le sous-titre du Léviathan, se trouve donc non pas une métaphore, mais une véritable anthropologie physique, celle de l'homme-machine. L'image de l'homme-machine était déjà présente au XVIe siècle, par exemple dans l'œuvre médicale d'Ambroise Paré, et c'est Delametri qui, deux siècles plus tard, en présentera une version radicalisée en affirmant dans son petit livre « L'homme-machine » « Nous sommes dans le cas d'une montre, on retrouve la montre, qui dirait « Quoi, c'est ce saut ouvrier qui m'a fait, moi qui divise le temps, moi qui marque si exactement le cours du soleil, moi qui répète à haute voix les heures que j'indique, cela ne se peut pas. » Une fois ainsi établi un continuum entre l'homme, l'animal et la machine, Hobbes franchit le dernier pas qui le conduit à concevoir l'État comme un automate fabriqué par l'homme à sa propre image. Alors nous arrivons là au passage le plus long. On va le lire ensemble pour que vous voyez bien la mécanique, c'est le cas de le dire, du gouvernement dans la représentation de Hobbes. Donc l'art, ici il ne faut pas entendre art au sens des beaux-arts. La notion d'art englobe, il s'agit des arts mécaniques au sens de l'époque. Et donc de ce qu'on appellerait du travail aujourd'hui, l'artisanat. Va plus loin, imitant cet ouvrage raisonnable et le plus excellent de la nature, l'homme. Bon. Car par l'art est créé le grand Léviathan appelé République ou État, qui n'est rien d'autre qu'un homme artificiel, quoique d'une stature et d'une force supérieure à celle de l'homme naturel, pour la protection et la défense duquel il a été destiné. Et en lequel, et alors là, nous allons avoir une sorte de dissection de cet homme artificiel, en lequel la souveraineté est une âme artificielle, en tant qu'elle donne vie et mouvement au corps entier, où les magistrats et les autres officiers affectés au jugement et à l'exécution sont des jointures. La récompense et la punition qui, attachées au siège de la souveraineté, meuvent chaque jointure, chaque membre pour qu'il accomplisse son devoir sont les nerfs. Et tout cela s'accomplit comme dans le corps naturel. Donc on passe aux fonctions maintenant. La prospérité et la richesse de tous les membres particuliers sont la force. Le salus populi est sa fonction. Les conseillers qui lui proposent toutes les choses qu'il doit connaître sont la mémoire. L'équité et les lois sont une raison et une volonté artificielle, la concorde et la santé, la sédition et la maladie, et la guerre civile et la mort. En dernier, les pactes et les conventions par lesquelles les parties de ce corps politique ont en premier lieu été faites, réunies et unifiées, ressemblent à ce fiat ou faisons l'homme prononcé par Dieu lors de la création. Alors, je trouve ce texte absolument extraordinaire. Bon, je sais qu'il a été lu et relu, mais voyez à quel point, à l'origine de la conception moderne du gouvernement, la place de l'imaginaire de l'automate elle ne se cache pas, elle est évidente, manifeste. Et on voit dans ce texte comment la religion, le droit, la science et la technique se sont conjugués pour aboutir, à l'époque des temps modernes, à un imaginaire normatif qui est encore largement le nôtre, celui qui se représente le gouvernement des hommes sur le modèle de la machine. Alors le mythe d'un être créé par l'homme à son image, pour assouvir ses besoins ou ses désirs, n'est pas nouveau. C'est déjà celui de Pygmalion et Galatée dans la mythologie grecque, ou celui du golem dans la tradition talmudique. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du golem, mais donc c'est cette espèce de robot fabriqué par le rabbin Lev pour lui faire son ménage, enfin pour l'aider. Et donc il le fait d'argile et il lui met le nom de Dieu sur le front. Simplement, le robot va effacer la lettre et le mot Dieu va devenir le mot mort. Et il veut entamer une œuvre destructrice. Donc c'est la figure du golem court dans toute une tradition extrêmement ancienne. Mais c'est seulement dans l'Occident des temps modernes que cet imaginaire est devenu un moteur du développement technique depuis la construction des premiers automates. Alors là, je vous ai trouvé quelques images. C'est en Suisse, chez les horlogers, que ça s'est développé d'abord. Il y aurait beaucoup d'exemples. Parmi les plus célèbres, ce sont les automates de Jacquet de Rose, qui date donc de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'écrivain, le dessinateur et la musicienne, que vous voyez ici de face, et vous allez voir, ça c'est la main de la musicienne, le mécanisme de la main de l'écrivain, qui était programmable, donc on a déjà quelque chose là qui est une sorte d'avant-courrier de ce qui va être l'informatique, et qui peut écrire n'importe quel texte de 40 signes sur 3 lignes. Voici le dos du personnage, qui est donc où vous retrouvez ce jeu de rouages que nous avons rencontré dans l'horloge astronomique de Strasbourg. Donc il y a vraiment l'idée là d'un continuum de l'univers organisé, et il n'est pas surprenant donc que le gouvernement lui-même fasse partie de cet univers d'automates. Eh bien, cet imaginaire n'a cessé de s'exercer sur nous, donnant naissance à l'univers industriel dépeint par Fritz Lang dans Metropolis, qui est un film culte. Je suis désolé pour les spécialistes du droit du travail, hein. Il y a deux films cultes, il y a Metropolis et Les Temps modernes. Voilà, Les Temps modernes. Dans Metropolis, vous observez la femme idéale, dans le fond, qui est entièrement en métal. Il est tout à fait frappant de constater que les artistes, les avant-gardes du début du XXe siècle, ont perçu, bien avant les juristes et les sociologues et autres, ce mouvement de mécanisation de l'humain, de réduction de l'humain à une machine. Et là, vous avez le célèbre Chaplin pris dans ses rouages et ses engrenages. La machine à le gouverner, nous le verrons, n'est plus conçue aujourd'hui sur le modèle de l'horloge, mais sur celui de l'ordinateur. C'est une machine acéphale, où le pouvoir n'est plus localisable et où la régulation remplace la réglementation et la gouvernance remplace le gouvernement. Elle trouve dans le marché et ses vertus autorégulatrices sa référence suprême. Donc, nous emploierons la notion de gouvernement dans un sens large, susceptible d'englober cette diversité des façons de penser l'institution d'une société humaine. Donc, sans oublier tout ce versant présentement refoulé que j'ai évoqué aujourd'hui. On ne s'en tiendra pas à ce versant mécanique lorsque nous parlerons du gouvernement. Ce sens large a été depuis longtemps retenu en droit comparé par les juristes qui, à l'instar d'Escarra, Escarra était le grand juriste français sinologue des années 30, ont par exemple caractérisé la tradition confucéenne comme un gouvernement par les hommes et non par les lois. Même dans ce sens large, le gouvernement implique un écart entre gouvernant et gouverné, et c'est cet écart que la notion de gouvernance, nous y reviendrons aussi, tend à effacer. Et cet écart, dans toutes ces représentations de gouvernement, se présente sur un mode vertical. Le gouvernement suppose l'existence d'un ordre hiérarchique dans lequel des gouvernés sont subordonnés à des gouvernants, et cet ordre lui-même suppose l'existence d'une référence normative commune aux uns et aux autres. C'est cette structure verticale, nous le verrons, mais ça dans plusieurs séances, qui disparaît dans l'imaginaire d'un monde qui serait devenu plat. Je vous remercie de votre attention. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Alain Supiot le 7 février 2013 en quête de la machine à gouverner dans le cadre de la série « Du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion. Alain Supiot a publié sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social » chez Fayard en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres a été publié sous le même titre chez le même éditeur en 2015. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Milena Elig, mixage Bernard Laniel, présentation Meryl Moneghetti.